casse-couille. Pour emmerder le monde, c'est vrai que je me débrouille. Mais vous devriez déjà le savoir. C'est de la faute à ma mère, elle a toujours été trop gentille avec moi. Je suis le roi des casse-couilles. Même ceux qui m'aiment.